Bonjour. Alors, en revanche, je ne sais pas du tout si vous m'entendez bien. C'est bon? Ouais? Bon. Mais, bonjour à tous. Merci beaucoup à tous les gens qui organisent ça et voilà. Donc voilà, je suis. C'est chouette ce que vous faites. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler d'échanges économico-sexuels, c'est-à-dire du travail d'une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet. Et qui a écrit qui a théorisé ça un petit peu, et c'est super intéressant. En gros, c'est quoi son truc? Alors, ça a parlé de prostitution, mais pas seulement, puisque quand on parle d'échanges économico-sexuels, on a souvent tendance à penser à la prostitution. Alors que, en fait, son observation, c'est de dire que dans la plupart des sociétés patriarcales, c'est la majorité des relations hétérosexuelles qui s'accompagnent d'un échange économique. L'exemple tout simple, c'est jusque dans les années 60 en France, le mariage, c'était quelque chose, c'était un échange, puisque les femmes devaient se marier pour trouver un bon parti. Comme la plupart n'avaient pas accès à l'emploi ou alors à des emplois moins rémunérés, elles devaient se marier pour avoir un bon parti, un homme qui puisse les entretenir. De manière générale, il y a toute une gamme de types de relations conjugale ou sexuelle plus brève, qui s'accompagne d'un échange économique. Ça peut être les maîtresses entretenues, ça peut être les favorites du roi, ça peut être énormément de choses, et qu'on ne fait pas rentrer dans la case prostitution. C'est quelque chose qui est particulier à notre société occidentale moderne, qui est de cacher complètement, qui est de considérer ces échanges économiques sexuels comme tabous, parce que dans de très nombreuses sociétés en dehors de l'Europe et des États-Unis. Et puis, en Europe et aux États-Unis, il y a pas plus loin que 40 ans, c'était complètement admis que le rôle des femmes était d'échanger leur sexualité et puis le travail reproductif et puis le travail domestique et puis énormément de choses contre de l'argent, contre des moyens de subsistance. Alors, mon sujet. Wow! Bonne question. En fait, je vais essayer de parler de prostitution et je vais essayer de parler selon une perspective plus de gauche. Bien sûr. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'intolérable? D'accord. Mais il faut pas hésiter à me couper si jamais tu estimes qu'il faut le faire. Bien sûr. Évidemment. Je vais pas rester magistral longtemps. Je pose deux, trois trucs histoire qu'on soit tous d'accord sur quelques concepts et je ne resterai pas magistral longtemps, c'est promis. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Puisque, en fait, ce que j'essaye de poser juste d'abord, c'est que dans pas mal de sociétés patriarcales, il est parfaitement admis que c'est le rôle des femmes d'échanger leur sexualité contre de l'argent. Ce n'est pas le cas dans la société occidentale contemporaine. C'est en pratique le fait, et ça, on va y venir. Comme ailleurs. C'est toujours le cas. Mais en fait, c'est quelque chose qui est encore le cas aujourd'hui, puisque cet échange-là de la sexualité hétérosexuelle, c'est l'idée de dire, et ça marque encore les relations aujourd'hui, que la sexualité hétérosexuelle, c'est un échange inégalitaire, c'est une prestation de la femme faite aux hommes en échange d'une compensation, à l'époque qui était monétaire. Ouf! Alors, ce que j'appelle sexualité, oh, ça va être extrêmement vague, ça va être globalement. Je vais peut-être pas définir sexualité parce que c'est vrai que c'est pas facile à définir, mais je pense que les gens voient à peu près ce que je veux dire par là. Mais d'accord. J'ai pas de définition hyper précise des sexualités à donner, je suis désolé. Ouais. Alors, juste pour préciser, Clément va nous présenter son sujet en quelques minutes. Après, il y aura un temps d'échange et de débat. Madame, si vous voulez proposer une intervention, je vous invite à vous inscrire auprès de nous et vous aurez après un moyen d'intervenir. Voilà. Donc, on laisse simplement Clément présenter calmement les choses et après, il y aura un échange. Voilà. Mais je peux quand même répondre à cette dernière question. Qu'est-ce que j'appelle prostitution? Ce qu'on appelle prostitution aujourd'hui, c'est un échange économico-sexuel préalablement négocié de courte durée et explicite. C'est ce qu'on appelle prostitution aujourd'hui. J'ai pas dit que c'était la prostitution, mais aujourd'hui c'est ce qu'on appelle prostitution, un échange économico-sexuel préalablement négocié de courte durée et explicite. Donc pourquoi est-ce que j'essaye de parler de ça? Puisque en fait ça devient étonnant si on pose l'idée que c'est globalement dans les sociétés patriarcales le rôle des femmes d'échanger leur sexualité contre de l'argent, si c'est ça le discours dominant dans les sociétés patriarcales, ça pose la question de savoir pourquoi est-ce que prostituer c'est une insulte. Pourquoi est-ce qu'il y a un stigmate sur la prostitution? Tout simplement parce que mais ça c'est quelque chose qu'on va voir. Tout simplement parce que ok, il y a cette organisation de l'hétérosexualité qui a d'ailleurs, hop, je fais une petite digression, ça a d'ailleurs des conséquences, en fait en termes de causes et de conséquences, c'est très lié à ce qu'on va appeler la domination masculine, c'est-à-dire le fait que dans les sociétés patriarcales, ce sont les hommes qui ont la plupart accès à l'argent, aux ressources, au pouvoir, et que du coup, ils vont pouvoir avec ça acheter de la sexualité féminine, acheter des femmes, se marier, etc. Ce qui, en retour, renforce cette domination-là, puisque les femmes étant ramenées à un rôle domestique et de foyer, permet aux hommes d'accaparer encore plus de ressources. Au passage, ça dépouille les femmes de leur propre sexualité, puisque celle-ci devient une prestation faite à quelqu'un d'autre. Alors, prenons l'exemple du mariage, du moins tel qu'il existait en France jusqu'aux années 50. Le mariage, c'était un accès total de l'homme au corps de la femme, puisqu'il n'existait pas de viol dans le mariage, hein, c'était pas reconnu le viol dans le mariage, donc c'était accès total au corps de la femme, et impossibilité pour la femme d'avoir de la sexualité en dehors, puisque ça s'appelle de l'adultère, et que c'était un motif de divorce pour faute et que c'était puni. Donc là, on est vraiment dans un accaparement. Cette idée d'échange économico-sexuel, elle explique pas mal de stigmates qui pèsent sur les femmes. Elle explique notamment le stigmate de la femme frigide, puisque la femme frigide, c'est la femme qui n'a pas de valeur, puisqu'elle n'a pas de sexualité à échanger. Et elle explique le stigmate de la chaudasse, qui est la femme qui elle a une sexualité, mais pour son plaisir à elle, alors que sa sexualité devrait être faite pour le plaisir des hommes. Oui, je pense que vous pouvez trouver quelqu'un qui répondra à votre question autour de vous sans aucun problème. Là où la... En dehors des effets graves que ça a, la question c'est pourquoi est-ce que dans une société où les échanges économico-sexuels dominent les relations de genre, pourquoi est-ce que la prostituée c'est une insulte, pourquoi est-ce que la prostitution est stigmatisée? Eh bien, vous êtes... On peut peut-être pas y passer des plombes. On peut... En fait, ce qui est... Je vous assure qu'après ça, j'ai terminé. Et ensemble, sans souci. Du coup, l'idée, c'est que le patriarcat ne fait pas que organiser la sexualité selon le mode de l'échange économico-sexuel. Il définit aussi les modalités légitimes et illégitimes de ces échanges. Je m'explique. Il va définir quelle forme d'échange c'est correct et quelle forme d'échange ne l'est pas. Typiquement, le mariage, même arrangé, même d'intérêt, c'est un échange économico-sexuel légitime. La prostitution, c'est un échange économico-sexuel illégitime. Si on essaye de regarder ces échanges-là matériellement, c'est-à-dire du pur point de vue des avantages-inconvénients, des bénéfices-coûts, on voit que ces échanges-là se mettent sur deux types de lignes. La ligne de qui participe à l'échange, c'est-à-dire est-ce que les femmes dont la sexualité est échangée sont sujets de l'échange ou objets de l'échange? Est-ce que ce sont des hommes qui s'échangent les femmes entre eux au-dessus d'elles sans qu'elles participent à la discussion, ou est-ce qu'elles participent à cet échange-là? C'est la différence entre un mariage forcé, par exemple, et un mariage qui ne va pas l'être. C'est la différence entre la prostitution indépendante et la prostitution en maison close, par exemple. Et puis l'autre ligne, c'est qu'est-ce qui est échangé? Qu'est-ce qui est échangé? Et ça, c'est la principale différence entre le mariage et la prostitution. C'est que dans un cas, on va avoir un échange complet de la personne, accès total à son corps, exclusivité de la sexualité. Et puis ça va avec tout plein d'autres trucs. Ça va avec des prestations domestiques, des prestations reproductives. Et puis tout ce qui est de l'ordre du care, vous savez, le soin psychologique, le soin du corps, etc. Alors que dans le cas de la prostitution, ça peut aller jusqu'à uniquement des actes sexuels préalablement définis, rien en dehors de ça, et de courte durée. Donc matériellement, c'est les deux lignes de fracture. Et ces lignes-là c'est de ces lignes-là dont va dépendre l'autonomie des femmes dans ces relations d'échange. Et on remarque que le type d'échange qui permet le plus d'autonomie et le plus d'indépendance aux femmes, c'est celui qui est considéré comme légitime. C'est la prostitution. Et en France, on a pris l'habitude de considérer que c'est seulement ce type-là d'échange qui est un échange économico-sexuel et que les autres ne sont pas des échanges de sexualité pour de l'argent. C'est même très tabou. Pourtant, cette marque-là, la marque de la sexualité hétérosexuelle comme étant une prestation des femmes aux hommes, elle existe toujours dans notre société. Elle existe toujours dans notre société, c'est-à-dire que ça se voit hein, dans les pratiques sexuelles des Français. Il y a une inégalité dans les pratiques sexuelles. Je pense au sexe oral, par exemple, qui est très inégalitaire et très inégalitairement dispensé. Il y a des inégalités dans le droit à avoir une sexualité satisfaisante, à exprimer ses propres désirs, à exprimer ses propres envies. Et donc, on n'est pas du tout sorti de ce mode-là. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais poser avant, parce que j'avais juste besoin de poser ces quelques trucs théoriques. Puisque derrière, ce dont j'avais envie de parler, c'était de prostitution, et puis de parler de la loi qui est passée très récemment, qui vient de mettre fin au délit de racolage, et puis qui aussi a décidé de pénaliser les clients de prostitution. Loi à laquelle la plupart des prostituées sont opposées. En fait, 98% des prostituées en France, d'après un chercheur qui a fait une étude sur le sujet, un spécialiste des migrations qui a fait une étude sur le sujet. Et quand je dis 98% des prostituées, c'est en prenant en compte toutes les formes de prostitution et tous les types de personnes qui se prostituent. Tous les genres, toutes les personnes migrantes ou pas, personnes qui se disent forcées d'être prostituées, personnes qui ne se disent pas forcées, etc. etc. Donc majoritairement, les prostituées sont contre. Cette loi est passée il y a très très peu de temps avec le soutien, et c'est assez étonnant, avec des soutiens très divers, c'est-à-dire avec le soutien des milieux catholiques, avec le soutien des communistes, avec le soutien des altermondialistes, avec le soutien des socialistes. Et puis les seuls qui étaient contre, c'était globalement la droite qui était contre qu'on arrête le délit de racolage, puisque eux ça les arrangeait vachement bien parce que ça leur permettait de virer les prostituées du centre-ville. Le Front National qui était contre et les associations de prostituées migrantes et les associations de prostituées. Donc moi ça me fait très bizarre de voir la gauche institutionnelle avec l'Église catholique contre les femmes migrantes. Moi ça m'a surpris et donc ce que je voulais discuter c'était un peu de ce truc là. Alors peut-être que j'ai un peu tracé parce que d'habitude je prends une heure et quelques pour parler de ça et puis là on m'a dit t'as 20 minutes donc j'ai un peu bourriné. J'espère que je vous ai pas assommé. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse et que vous allez avoir envie d'en parler avec moi. Combien de temps j'ai parlé? J'ai encore 2 minutes, c'est super. Ou pas? Ouais, non, bah, du coup, je vais consacrer ces 2 dernières minutes à ça, puisque en France, donc, comme j'ai dit, ces liens d'échange sont tabous. À une époque, c'était parfaitement admis que si un homme voulait séduire une femme, il fallait qu'il lui paye une sortie en nightclub, une sortie en dancing, un repas, un machin, etc. C'est-à-dire que pour avoir le droit de séduire une femme, il fallait lui payer un accès au divertissement. Et les femmes étaient encouragées, pour se divertir le soir, à se faire payer une soirée par un homme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisqu'on considérait ça comme machiste et patriarcal. Mais globalement, les boîtes de nuit sont toujours payantes chères pour les hommes et moins chères ou gratuites pour les femmes, voire avec des verres offerts. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un intermédiaire dans cette relation d'échange. Elle est camouflée, mais elle existe toujours. C'est pas des lieux, c'est lieux de séduction. Les boîtes de nuit, les sites de rencontres, les clubs libertins, etc. sont des lieux qui ne sont pas de sexualité égalitaire, puisque l'accès n'y a pas le même prix pour les hommes et pour les femmes. Il y a un dicton sur Internet qui dit quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ça s'applique bien aussi à ce genre de lieu. Et j'avais envie de montrer comment est-ce qu'on pouvait, dans nos sociétés, faire en fait ce que fait le néolibéralisme, à savoir ne pas faire disparaître les rapports de domination, mais les rendre invisibles. Voilà. Donc moi, j'ai terminé. Si jamais vous voulez des détails ou que vous avez des questions, ou vous avez envie de parler de ça, ou que c'est un sujet qui sur lequel vous savez pas trop vous positionner, n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Et voilà. Merci beaucoup. Alors merci Clément pour cette intervention. On va ouvrir le débat. Je rappelle simplement que les échanges se font dans le respect et la bienveillance, dans la mesure du possible. Voilà, donc est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ou poser une question ? Bonjour Clément, je m'appelle Marisa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tu as parlé de gratuité, tu as parlé de sexualité, tu as parlé de tabou, tu as parlé d'histoire du mariage, d'histoire de la prostitution, tu as parlé d'exclusivité, de lignes qui ont bougé. Tu as catégorisé, tu as délimité ce qui pour toi t'apparaît clairement. C'est bien. On a tous besoin d'avoir clair, ça c'est vrai. Tu as dit par exemple que c'était tabou d'en parler de quelque chose. Je suis d'accord avec toi, franchement. C'est d'en parler qui est tabou. Mais de quoi ? Alors, tu as poussé un peu les lignes, tu as dit, voilà, mariage, tu as fait une comparaison entre mariage et prostitution. En utilisant, en prenant comme curseur, comme valeur curseur, la sexualité. Mais, bon, si le sujet est tellement fascinant, est-ce que tu t'es d'abord posé la question de savoir pourquoi il est non seulement fascinant, mais il est très important, il est même au centre. C'est Victor Hugo qui avait dit que l'esclavage, tout le monde connaît Victor Hugo, ou presque, il est quand même très connu. Il avait dit que l'esclavage perdurait et que seules les femmes le soutenaient, étaient les point, pas les garantes, non, les cariatides, si on peut dire, les femmes qui soutiennent justement une société sur la base de l'esclavage. Il n'a pas précisé de quel esclavage il s'agissait, mais quelqu'un comme toutes celles qui ont essayé de réfléchir un peu plus à la question de par leur vécu elles-mêmes. J'aimerais te citer des hommes, mais je vais te citer des femmes parce que c'est l'écrasante majorité qui sont concernées en tant que femmes. Andrea Dworkin, par exemple, Rebecca Mott, Rosen Isher, qui a fait sa marche il y a 2 ans, de façon magnifique. Ben oui, tu acquiesces avec ta tête, oui, mais tu as le droit de dire tout ce que tu veux, mais l'exclusivité de la sexualité, pour moi, il n'y a absolument pas de sexualité qui rentre, de sexualité véritable qui puisse être en cause dans ce qu'on peut appeler le sexage. Le sexage, c'est-à-dire l'esclavage par le sexe. Tu as parlé de sexe oral qui était inégalement dispensé. C'était très vague. Moi, ce que je voudrais dire... Moi, je n'ai pas de questions à poser. Ou alors, j'en ai beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a pas mal de choses à déconstruire, que c'est pas tellement ça le sujet, mais parce que tu es en train de le faire, je sens que tu es en train de le faire, mais comme j'en suis pas sûre, va quand même sur le site d'une certaine interview de Solveig Alloin. Je te donne ce nom parce que sa prise de parole a été absolument extraordinaire. Elle est de Toulouse, c'est une fémène. Alors, moi, ce que j'ai à dire dans le cadre de j'ai pas de question particulière, mais peut-être que je peux le poser sous forme de question. As-tu réfléchi un tout petit peu sur toutes ces lignes de justement, est-ce que tu y as réfléchi en termes de scénario pour permettre à ceux qui ont besoin de se faire anesthésier leur addiction à la violence, de préparer des mises en scène? Et parmi ces mises en scène, toutes ces lignes dont tu parles, qui marquent l'évolution justement de cette prostitution, qui est absolument devenue explosive, puisque nous sommes en ère industrielle. Comprends-tu? Et du coup, nous devons adapter notre pensée à ça, cette espèce de violence qui était à peu près soutenable parce qu'elle était presque artisanale et qui maintenant qu'elle est industrielle est explosive et ne peut plus être soutenue sans être transformée soit par la perversité soit dans l'honnêteté. Et j'espère pour toi que tu es dans l'honnêteté. Alors, merci beaucoup pour tes questions. En fait, tu soulèves beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre aux quelques trucs sur lesquels je pense que je peux répondre. La première chose, c'est que, oui, effectivement, la comparaison entre le mariage et la prostitution, c'est pas un truc qui est tout nouveau, c'est pas un truc qui vient de moi. Ça existe, en fait, depuis les premiers mouvements féministes, les suffragistes, déjà au début du 19e siècle, posaient ça. Il y a un texte de Cicely Hamilton, qui était une suffragiste britannique, qui s'appelle « Marriage as a trade », le mariage comme un échange, et qui pose des réflexions féministes qui ont encore cours aujourd'hui sur en quoi est-ce que ça crée les doubles standards, en quoi est-ce que ça crée les comportements de genre, etc., des comportements genrés et tout ça. Alexandra Kollontai, donc elle, c'est la première femme ministre de l'histoire moderne. Alexandra Kollontai, elle était ministre de Lénine après la révolution d'octobre en 1917. C'est elle qui a apporté en Russie le droit de vote pour les femmes, le droit à l'avortement, et puis l'égalité dans l'accès au travail. Le droit d'avortement qui a été supprimé ensuite sous Staline, quand elle a été écartée, mais elle l'a apporté. Sachant que elle posait déjà du point de vue des femmes socialistes, mais il n'y avait pas de différence entre une femme qui vendait sa sexualité à un seul homme au cours de sa vie et qu'on appelait ça mariage, et une femme qui vendait sa sexualité à tout plein d'hommes et qu'on appelait ça prostitution. L'autre chose, du coup, ça m'amène à l'autre chose que tu soulevais, qui était de dire qu'il n'y avait pas de sexualité dans ces échanges-là. En fait, je n'ai pas envie de définir la sexualité parce que je pense que la limite se pose dans ce que les gens appellent eux-mêmes sexualité. C'est-à-dire que quand on a des discours ou des témoignages de personnes qui se prostituent et qui vont dire, ben moi les actes sexuels que je réalise avec un client pour de l'argent, c'est pas ma sexualité, c'est pas de la sexualité, c'est mon boulot. Et puis j'ai une sexualité qui est à moi avec les gens que j'aime ou les gens que je rencontre et c'est mon truc. Mais les actes sexuels que je fais là, c'est pas de ma sexualité. Mais autant cette distinction entre acte sexuel et sexualité, elle existe chez certaines personnes, autant elle n'existe pas chez tout le monde. Et en fait, notamment, elle existe moins peut-être dans le... Tout le monde tient pas ce discours-là, en fait. Et j'ai pas envie de juger de quel discours est pertinent et quel discours n'est pas pertinent. L'autre chose, enfin, dont tu parlais, c'était quelle... est-ce que je m'intéresse à ça avec sincérité ou perversité? Je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que c'est difficile pour des personnes qui se prostituent de prendre la parole sur ces questions-là. Évidemment, ce serait bien mieux que ce soit à elles de prendre la parole plutôt qu'à moi, on est d'accord. Mais c'est très compliqué. Oui, je sais, mais je veux dire, elles sont pas là. C'est chouette, mais le truc, c'est que moi, voilà, je fais ces interventions-là parce que j'aimerais bien que ce soit plutôt des personnes concernées qui le fassent, mais c'est juste compliqué. D'accord. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord sur le fait que je ne le suis pas. Voilà, moi j'ai travaillé ça avec des gens qui le sont, mais moi je ne le suis pas, je suis en délégation, on va dire. Voilà. Et puis enfin, du coup, pour terminer sur ça, quelle porte de sortie je vois, machin, etc. J'ai tendance à me positionner assez proche de la position historique du féminisme de gauche, qui est la position aujourd'hui des mouvements comme le Strass ou les Roses d'Acier, qui est de, du coup, vouloir l'autonomie des personnes qui se prostituent dans leur manière de se prostituer. C'est-à-dire que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, le patriarcat non seulement organise les échanges économico-sexuels comme modalité de la sexualité hétérosexuelle, mais de plus, il définit quels sont les modes légitimes et ceux qui ne le sont pas. Et évidemment, quand on sort de ces échanges-là, il y a des moyens de répression qui vont permettre de s'assurer que le comportement des femmes soit toujours sous le contrôle des hommes. Donc il y en a deux globalement, hein, c'est interdire la prostitution ou l'affaire gérée par des hommes. Ça, c'est les maisons closes, c'est les deux moyens de gestion de ça. Par exemple, il y a certaines grandes villes d'Afrique où la police fait des rafles pour arrêter les prostituées et les remarie de force, ce qui est un moyen de s'assurer que les femmes ne sortent pas des modes d'échange légitimes. Oui. Je me sens pas légitime à estimer le taux de souffrance. Mais du coup, je vais, si tu veux bien, parce qu'en fait, ce serait dommage que d'autres personnes puissent pas poser de questions, en fait. Et d'autant plus qu'il y en a, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Donc, mais en revanche, je veux bien qu'on en discute avec grand plaisir après, sans aucun souci. Bon, j'essaie d'être court. Mon pseudonyme c'est Ulysse, c'est tout. Alors je me demande, c'est vraiment légitime, je crois, dans un débat, de poser les problèmes, les thèmes, sexualité et économie, puisque tous les thèmes sont bons. Et du moment qu'il y a à l'intérieur un contraste. Effectivement, économie et sexe ont des points communs et aussi opposés. Mais en tant qu'habitué à la civilisation occidentale, je ne vais pas m'en passer, je ne vais pas la foutre à l'air, je l'ai dans mon ADN. Hein. Les mariages, je pense qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Voilà. Parce qu'on puisse se marier, une femme, pour être soutenue, pour avoir de quoi survivre, c'est compréhensible, qu'il y ait un échange purement sexuel à l'intérieur du couple, mais les mariages, en tant qu'institution, c'est bien autre chose. Puisque c'est le nœud même de la famille. Donc on abolit la famille, on abolit le mariage. Autrement, toute la civilisation occidentale, elle se base avant tout sur les combats pour obtenir les mariages. Les mariages, c'est un système de transmission, pas seulement du nom, mais de l'acquis des parents qui veulent les transmettre aux enfants. J'ai les transmissions légitimes qui étaient niées pendant plus de 100 ans, peut-être même 200 et 300, à Rome, hein, à la plèbe. En venant ici, à la place de la République, j'essayais de comprendre un peu qu'est-ce que c'est la plèbe et qu'est-ce que c'est la République. Et j'ai appris des choses. Populus, c'est aussi la même origine, la même racine, et voilà, sexuel. C'est les poils à l'origine de tout ça. Et je l'ai appris à travers des dictionnaires qui ne sont pas Wikipédia, mais des dictionnaires ordinaires comme on en trouve dans les livres d'occasion. Bon, donc le mariage, s'il te plaît, hein, puisque c'est à distance, je ne me souviens pas du philosophe qui prêchait ça et qui a échappé à la persécution de la contre-réforme, l'homme a pu créer le langage et la pensée au même temps, hein, en découvrant le mariage et en passant de l'amour que lui appelait la Vénus d'âge, hein, c'est-à-dire bestiale, à la Vénus du mariage. C'était pour éviter la multiplication des contacts et choisir des contacts productifs. Sans quoi, il n'y aurait pas de société qui puisse tenir debout. Voilà. Mais si vous devez parler de sexe, pourquoi pas? Si tu veux parler d'économie, pourquoi pas? Les idées ensemble aussi, mais ne mets pas dedans les mariages. Merci. Alors, très rapidement, la question c'est pas. Enfin, la question c'est qu'est-ce qu'on entend par mariage? Parce que mariage c'est un mot et derrière ça, il y a plein de réalités différentes. C'est-à-dire que, à partir du moment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à partir du moment où on estime qu'il n'y a pas de viol au sein du mariage, ce qui est le cas encore dans certains États des États-Unis, on place le fait que le mariage ça donne un accès illimité de chacun au corps de l'autre. Ce qui est déjà quelque chose. En France, encore aujourd'hui, il est admis que refuser la sexualité à son conjoint est un motif de divorce pour faute. Il y a des divorces pour faute pour refus de devoir conjugal. Donc, l'égalité entre hommes et femmes au sein du mariage, juste au regard de la loi, hein, juste au regard de la loi, c'est quelque chose qui est extrêmement récent, qui date des années 80, je crois. Donc, la question n'est pas tellement... le mariage est-il, dans toutes ses acceptions et dans tous les moyens dans lesquels il peut exister, une forme d'échange économico-sexuel? Parce que c'est effectivement pas le cas. Le mariage, c'est juste le mot qu'on met derrière une institution qui gère la conjugalité. Mais selon ce qu'on met derrière le mariage, selon les réalités pratiques qu'il y a derrière le mot mariage, ça peut être une modalité d'organisation d'échange économico-sexuel. Égalitaire, genré ou pas. À l'heure actuelle, le mariage tel qu'il existe aujourd'hui en France, et notamment le fait que le refus de devoir conjugal soit un motif de divorce pour faute, ça marque très clairement le fait qu'il y ait des échanges d'ordre économique et des échanges d'ordre sexuel qui s'entremêlent. Bonjour, je m'appelle Hugo. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que vous avez dit sur la prostitution. Moi, ma mère m'avait dit que les prostituées dans un milieu légal avaient accès à de l'eau courante, pouvaient se laver et étaient souvent mieux traitées. Parce qu'au lieu d'être punies par la police, elles seront protégées et la police remplit alors son rôle. Et je voulais juste donc continuer avec vous sur le fait que ça devrait être légalisé. Un peu comme la Marie-Jeanne, par exemple, on n'aurait plus besoin d'avoir des bandits avec des pistolets si c'était légal et ça serait protégé et légiféré par notre gouvernement. Alors, deux choses. D'abord, en France, la prostitution est légale. La prostitution en France est légale. Ce qui va devenir illégal, c'est d'y avoir recours, ce qui est extrêmement hypocrite. Mais jusqu'à maintenant, la prostitution était en France légale. Ce qui est illégal en France, c'est le proxénétisme. Sachant que la définition du proxénétisme est extrêmement vague. En France, le proxénétisme s'est défini comme étant bénéficier d'une quelconque manière que ce soit de la prostitution d'autrui, ou porter secours d'une quelconque manière que ce soit à la prostitution d'autrui. C'est-à-dire que techniquement, par exemple, vous prostituez, vous avez des enfants majeurs et vous payez leurs études, ces enfants sont vos proxénètes. Deux personnes qui se prostituent et qui travaillent ensemble sont proxénètes l'une de l'autre. Si jamais vous demandez à quelqu'un pour assurer votre sécurité de vous appeler à une heure donnée et puis que si jamais il ne répond pas, bah prévenez la police, cette personne à qui vous demandez ça est votre proxénète. Donc, oui. Alors, je viens de donner la définition légale en France de ce qu'est le proxénétisme. Voilà, c'est porter secours d'une quelconque manière ou bénéficier d'une quelconque manière de la prostitution d'autrui. C'est comme ça que c'est défini légalement en France. C'est pas la définition parfaite, mais c'est défini comme ça en France. Oui. Oui. C'est la même racine, oui. C'est la même racine. Oui. Ces lois sur le proxénétisme font que la prostitution est légale en France à condition qu'elle soit complètement désocialisée. Par exemple, vous ne pouvez pas travailler dans un hôtel si le patron de l'hôtel est au courant, parce que ça te ferait de vous son proxénète. C'est votre proxénète. Vous ne pouvez pas travailler chez vous si votre logeur est au courant, parce qu'il deviendrait votre proxénète. Voilà. Donc la prostitution en France est légale. Bientôt, y avoir recours deviendra illégal, ce qui est d'une hypocrisie absolue. mais la prostitution en elle-même est légale. Mais en revanche, elle est légale à condition qu'elle soit complètement désocialisée. Et voilà, je suis d'accord. Et ça, la deuxième chose du coup dans ce que tu poses, effectivement, les conditions seraient peut-être meilleures si on sortait de ça. En revanche, quand on dit légaliser, il y a légaliser et légaliser. C'est-à-dire que il y a certains pays qui sont des pays réglementaristes où on est retombé dans de la prostitution légalisée mais gérée par autrui, par des maisons closes en fait. Hein, c'était géré par l'État en France pendant très longtemps. Aujourd'hui, maintenant, c'est géré par des entreprises. Et donc là, on se retrouve avec toutes les dérives du salariat, mais appliquées au travail du sexe. Ce qui est relativement glauque à bien des aspects. Et j'avoue que j'ai pas du tout envie de comparer qu'est-ce qui est mieux, mais dans tous les cas, c'est aussi très problématique. Donc, légaliser, du moins, permettre l'existence, tout en ayant des liens de socialisation, enfin l'existence non stigmatisée de cette forme de travail, complètement d'accord. En revanche, pas de travail salarié. Ça, c'est du moins la position, en tout cas, du STRAS, qui est le syndicat des travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe. Alors, on peut pas adhérer au STRAS si on n'est pas travailleur du sexe soi-même. Donc, il y a des proxénètes au STRAS ? D'accord, parce que en fait, il y a une conseillère municipale communiste qui avait dit ça et qui a été condamnée pour diffamation. C'est-à-dire que visiblement, enfin, en fait, j'entends ça, j'entends souvent ça. Ça a pas l'air de correspondre à ce que moi je vois ou ce que moi je connais des gens qui sont dans ce syndicat et j'ai pas vu de preuves matérielles de ça. J'ai pas vu d'arguments de ça. Donc, si tu en as, moi je veux bien que tu m'en parles à un moment donné, mais j'ai pas de ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le STRAS se bat autant contre le réglementarisme, c'est-à-dire l'instauration de maisons closes, et donc du coup de gestion de la prostitution par l'État ou par des entreprises, que contre la stigmatisation de la prostitution. Mais après, qu'il y ait des proxénètes au sein du STRAS, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que. Après, ça dépend encore une fois comment on définit proxénétisme. Alors, on va juste donner la parole à une femme et après je. Moi, ça me surprend toujours quand on dit il y a des prostituées qui le font volontairement et d'autres qui le font pas volontairement. Est-ce qu'il existe des données pour voir dans celles qui disent je le fais volontairement si elles-mêmes n'ont pas subi en amont des abus, parce que personne souhaiterait ça à sa sœur, à sa mère et pourtant c'est enfin. De qui on parle quand on dit volontairement, et est-ce qu'il y a des données pour étudier ce volontairement ? Alors, c'est intéressant comme question parce que c'est une question qui revient souvent. C'est le cas en fait pour la plupart des formes de travail. C'est-à-dire que globalement, les relations de travail, c'est des relations négociées. C'est-à-dire que dans un cadre de ton vœu, on a une marge de manœuvre et une marge de liberté, mais on ne fait pas ce qu'on veut. En revanche, personne va se poser la question de quelqu'un qui travaille à McDo, est-ce qu'il fait ça volontairement ou pas ? Puisque comme c'est une activité qui est considérée comme normale dans notre société, il y a une espèce de présupposé de volonté individuelle. C'est le libéralisme, il travaille à McDo, si c'est dur pour lui, il n'avait qu'à pas faire ça. Comme la prostitution est une activité illégitime, il y a une présomption elles font ça parce qu'elles n'ont pas d'autre choix ou elles y sont forcées ou machin, et parce qu'on a du mal ou parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal à s'imaginer qu'on puisse faire ça en préférant ça à une autre activité, typiquement en préférant ça à travailler à McDo parce que les horaires sont meilleurs, on ne fait qu'imaginer que les gens doivent y être forcés d'une manière ou d'une autre, ce qui en pratique correspond pas au discours des gens. Évidemment, il y a des gens qui se disent forcés de faire ça. Il y a des gens qui disent faire ça à cause de la conjoncture ou parce qu'elles n'ont pas d'autre choix économiquement. Il y a des gens qui disent faire ça par choix. Il y a des gens qui disent faire ça par choix politique. Je pense à Griselda Real, qui était une poétesse et prostituée suisse, si je ne me trompe pas, dans les années 70, qui était très active dans les mouvements de prostituées en France et qui écrivait « La prostitution est un acte révolutionnaire ». Donc je pense que... Bien sûr. Mais je pense que la plupart des gens qui travaillent le font pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. mais pas forcément de gaieté de cœur. Enfin, là, je sais pas, je... C'est, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec le fait que, bah oui, pour gagner de l'argent, les gens sont menés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Oui. Alors, enfin, non, non, mais moi je... Non, non, non, non, mais c'est bon. Franchement, laissez cette personne parler. Il n'y a pas de souci. On laisse tout le monde parler, mais j'appelle simplement à la bienveillance générale pour le débat. Merci. Oui. Je connais. Et qui s'est suicidé, oui. Oui. Je connais Léo Thiers Vidal. Il y a quelque chose que je veux effectivement pas nier, c'est que le patriarcat c'est un truc violent pour les femmes, que il y a différentes manières pour les femmes gérer cette violence, et je suis pas en train de dire que la prostitution c'est cool en fait. De manière générale, l'échange économico-sexuel et la manière dont c'est organisé de manière genrée, c'est affreux. C'est complètement affreux. C'est affreux d'organiser la sexualité hétérosexuelle selon ce mode-là. Et je suis pas du tout pour. Ce que je suis en train de dire, c'est que les gens qui doivent se débrouiller dans ces conditions-là doivent avoir les moyens de le faire. Je suis pas du tout en train de dire c'est vachement cool, prostituez-vous, quoi. Je pense que c'est un... Enfin voilà, je suis juste en train de dire il y a des gens qui font ce choix-là parce que c'est comme ça qu'ils se démerdent. Et que c'est important, déjà que c'est un métier difficile, que ce soit pas en plus un métier qu'il ne l'est déjà. Voilà. Je suis pas en train de dire que c'est cool et qu'il n'y a pas de souffrance. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon propos. Mais pour le préciser, il y a de la souffrance dans la prostitution, il y a de la souffrance dans le mariage aussi. Une souffrance qui est souvent beaucoup moins jugée comme anormale. Mais il y en a aussi. Et qui mène aussi à des situations absolument graves. Oui, Pascal. Alors moi justement, je regrette un peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que EducPop, on donne la parole à tous. Et c'est vrai que, apparemment, je n'ai pas bien compris comment elle formulé, mais elle est clairement contre. Et toi, tu essaies d'être nuancé, mais bien évidemment, dans ton propos, moi je le dis, c'est vrai qu'on a le ressenti... à chaque fois, un espèce de rééquilibrage systématique pour parler de prestations, y compris dans le mariage. Alors moi, je voudrais mettre un peu de soleil sur cette place. Je pense que pour moi, quand même, la rencontre entre deux êtres, c'est quelque chose qui nous échappe aussi parfois. On appelle ça des fois même le coup de foudre. Ce qui va se construire derrière, c'est quelque chose qui appartient y compris à l'intimité. Moi, je ferais quand même bien le distinguo, c'est-à-dire les histoires qui sont liées à un moment donné à une rencontre amoureuse et éventuellement une rencontre qui, elle, n'est liée qu'à un moment donné à une tarification. À une prestation souvent très courte pour réaliser souvent un plaisir sexuel. Donc moi, je fais quand même ce distinguo de façon très nette. Par contre, sur l'hypocrisie, moi, j'irais plutôt sur un autre sujet, pour parler un peu politique. Je suis catastrophé de voir qu'un gouvernement de gauche qui pose la problématique de la prostitution, dont on sait que pour une grande partie en ce moment, c'est souvent des migrantes sans papier, et qui, à côté de ça, ne leur propose même pas de façon automatique une régularisation pour échapper éventuellement, y compris à leurs souteneurs ou aux mafias qui entretiennent cette prostitution, ça, je dis politiquement, ça, c'est aussi une belle hypocrisie. Après, je voudrais qu'on mesure. Là, on est à quelques semaines là, de ce qu'on appelle le championnat d'Europe de football. Il y aura les Jeux Olympiques aussi bientôt au Brésil. Il faut savoir, et un peu comme les bordels de campagne à une époque quand on envoyait nos guerriers, enfin nos militaires, et ça continue encore, il y a réellement quand même une utilisation une réduction du corps de la femme à un moment donné à simplement soulager un fantasme, un désir, peu importe, ou une consommation sexuelle pour les hommes. Et je serais très étonné de voir comment le gouvernement de gauche, là, va gérer, parce qu'ils ne vont pas y échapper, comment ils vont gérer pour tous ces supporters éventuellement le besoin après le match d'aller se satisfaire. Alors il y a des endroits pour ça, mais moi je serais curieux de voir comment la police va intervenir sur le bois de Boulogne, sur le bois de Vincennes, sur les rues référentes, sur le boulevard périphérique, sur les boulevards extérieurs, pour faire respecter sa loi. Est-ce que les gens paieront en Dutch? Enfin, heureusement avec l'euro, ils paieront tous en euros les amendes, mais à 1500 euros, ça peut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État en tout cas. Merci. Alors, je vais juste répondre à deux choses. La première, c'est que l'idée que les grands matchs de foot ou les tournois de football attirent des supporters qui vont voir les prostituées, ça a l'air d'être une représentation qui ne se vérifie pas dans la réalité. Notamment, par exemple, lors de l'Euro en Allemagne, la fréquentation des maisons de passe, puisqu'il y a des maisons de passe légales en Allemagne, n'a pas du tout augmenté à ce moment-là. C'était même une période plutôt creuse, en fait. Donc, ça n'a pas l'air de se vérifier dans la réalité. C'est une représentation qui est beaucoup mobilisée parce que ça, c'est très choquant comme idée, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui existe vraiment. Maintenant, l'autre chose que tu dis, tu parles d'amour et de voilà, moi j'adore l'amour, c'est chouette, c'est super chouette vraiment. J'ai évacué en fait la question des sentiments pour rester uniquement dans l'analyse matérielle parce que si on regarde pas froidement les conditions matérielles, les sentiments ou l'appel aux sentiments peut parfois être un moyen de camoufler ou de cacher des conditions d'exploitation ou des conditions de domination qu'on ne voit pas du coup parce que on est deux personnes et on s'aime, alors il n'y a pas de rapport de force entre nous. Et donc du coup j'ai complètement sorti ça de côté, mais c'est vrai que ça existe. Enfin là oui, complètement. Mais et je suis d'accord que il y a bien plus dans les relations conjugales que des froids échanges économiques. Mais il n'empêche que si on veut regarder la manière dont dont le pouvoir est organisé entre les individus, et donc typiquement dans un truc aussi intime que la conjugalité, il faut sortir des sentiments quelques minutes pour regarder matériellement ce qui se passe. Quitte à les faire revenir après, hein. Ah oui, et la question sur la régularisation, oui, moi je suis d'accord aussi. Les mouvements abolitionnistes s'opposent à la régularisation automatique des travailleuses du sexe parce que ce serait un encouragement à la prostitution. C'est leur discours. Et puis du coup, les pouvoirs publics sont très contents de ne pas avoir régularisé des gens. Donc du coup, ils poussent pas ça non plus terriblement. Mais oui, non, les personnes migrantes, si elles vont voir la police parce qu'elles sont exploitées ou qu'elles sont dans une institution d'esclavagisme sexuel abominable, elles sont envoyées dans leur pays. Voilà. Donc elles vont pas voir la police. Dans leur pays, qui est en général l'endroit dont elles viennent de partir et où se trouvent, où se trouvent les réseaux qui les exploitent. Donc du coup, elles n'y vont pas. Mais les pouvoirs publics et les abolitionnistes ont peur du coup que des gens se mettent à venir migrer en France et se prostituer dans des réseaux exprès pour pouvoir avoir un permis de séjour. Ça me paraît extrêmement bizarre comme peur, mais c'est leur discours officiel. Merci. En fait, quand vous parlez d'échanges économiques sexuels, on aborde plein de sujets. Vous avez abordé le mariage. Effectivement, il y a des échanges économiques aussi avec le mariage. On peut se marier par raison. On peut se marier par intérêt. Effectivement, mais ça, on a parlé aussi de prostitution. Ça, c'est autre chose. Mais quand on parle de mariage, moi j'y crois aussi qu'il y a, il y a tout à fait des intérêts, que une bonne majorité, ou je sais pas, de personnes, même ne serait-ce quand on va se marier sur le sur la Bible, ben est-ce que en fait la question que je me pose, c'est sur quelle base on se marie? Si on se marie pour en fait ça remet en question les valeurs humaines. D'où le problème après de l'échange économique dans un couple marié. Ça remet pas en cause le concept du mariage en lui-même, qui est censé apporter le soutien à l'autre et faire des enfants, faire une vie, transmettre, et voilà, c'est le cycle et c'est comme ça. Mais après, bon, quand tu parles de ça, je pense que tu parles aussi de valeurs à remettre en cause, et aussi remettre la base du mariage, en fait, sur quoi on se marie. Si on se, effectivement, peut-être ça désintéresse beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunesse, une bonne partie de la jeunesse française. Peut-être parce que aussi on se marie sur un texte qu'on n'y croit pas à ce texte. Ou comme voilà, enfin il y a ça aussi. Et après bon, par rapport à la prostitution, mais c'est autre chose. Mais c'est aussi une question de c'est pas une question de valeur, je pense aussi. C'est aussi parce que des gens ont besoin de travailler et qui peut le faire. Tant mieux pour celles qui peuvent le faire. Elles apportent de l'affection à des gens qui n'en ont pas. Elles apportent Mais après, ne pas réguler ça et laisser ça à la jungle, laisser ça enfin, de manière un petit peu anarchique, bon, ça serait aussi être sur une base anarchique, du coup. Enfin, voilà. Flop. Merci. Clément, comme il y a plusieurs interventions encore et qu'il reste 5 minutes, est-ce que tu es d'accord qu'on en prenne le monsieur est parti. Bonjour. J'entends parler le français, je le comprends parce que je ne parle très bien. Et je ne te voulais faire mal à vous parce que la prostitution, que nous vous parlez de la prostitution, et je voulais faire une demande à toutes les personnes que qui est-ce qu'il y a ici, qui fait la prostitution, de qui nous trouve ici. Et fait, je vous l'ai dit, il le fait aussi, et si quelqu'un le fait, non le voulait dire, c'est bon, je le respecte. Som dues persones que a la va. I jo penso que si ici se 40, 50, 60 persones que fan la prostitució, beaucoup persones són respons com la fem que se ale a plorar. Con tu le respect perquè sé un xos, beaucoup joli per parler, però no per parler com no parler, perquè no som dans la pell, que jo ne puc parler com ha dit a l'Àfrica, a l'Iraq, a la Síria, si je ne suis allé a la va. Je peux llegir beaucoup de llibres et voilà, et je sais la història parce que c'est difícil no fer una agressió a una persona, c'est normal perquè c'est un chose beaucoup difícil, et c'est ça, que c'est difícil parler avec aquest truc ici, je pense. Et voilà. Et tout le monde fem la prostitució perquè tu treballes per un patron. Per argent, tot un per pagar el lloguer, un per pagar el menjar, un fer la decisió de... Voilà, c'est ça. Jo volia dir que a la pròxima truc que no parlé de la prostitució, apel·le a persona que le fa la prostitució. Jo penso que és molt productiu. Jo penso. Merci beaucoup a tots. Alors juste pour préciser, pour répondre à ça, il y a eu une intervention de quelqu'un qui a parlé de son expérience et d'une prostitution humaniste, donc c'était le thème de son intervention. C'est public et publié sur notre page Facebook ou notre site. Voilà. Je prends peut-être la dernière intervention et je te laisse conclure. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Pourpre. Il y a quelque chose dont nous ne parlons pas, c'est la liberté. La prostitution, c'est on peut être libre de se prostituer, comme on peut être libre de se marier, comme nous pouvons être libres de faire absolument tout ce que nous voulons à partir du moment où nous accordons de l'importance et de l'attention à tout ce qui nous entoure, et en particulier à la sensibilité des autres. Au niveau de la prostitution, il y a un lien avec la sexualité. On a une vue assez particulière, pour ma part, dénaturée sur la sexualité par une forme de... on parlait de société patriarcale, on aurait aussi pu parler de formatage éducatif, d'habitude de raisonnement et de point de vue ancré de génération en génération. Les connotations sexuelles, elles sont de toutes sortes. Dès que nous parlons de sexe, simplement par des objets tout naturels, tout banal, c'est quelque chose qui est dénaturé. Il me semble opportun aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es invité à éventuellement développer une commission sur ce que tu veux lier à ce sujet, mais en particulier sur la liberté, tout ce qui est liberté. La liberté sexuelle en fait partie. On parle de mariage. Quand on se marie, on fait un contrat. Quand on voit une prostituée, on fait aussi un contrat. Ce sont des contrats qui sont différents, mais ce sont sur le fond, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où on exige de quelqu'un simplement par contrat, il peut évoluer. Je propose qu'on apporte un autre regard sur, d'une part, la sexualité, et aussi, voilà. C'est important de dire que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on a des exigences particulières à avoir vis-à-vis de lui. Simplement, que ce soit sous un mariage ou le fait que ce soit notre compagne, on voit les dérives au niveau des appropriations qu'on se fait des autres, en particulier sexuelles dans les banlieues. Les pillages, les gamines que l'on qualifie de douilles, ce n'est pas directement lié à la prostitution, mais ça peut découler par la suite. Voilà, c'est quelque chose auquel nous pouvons réfléchir et nous t'invitons à développer une commission. Merci. Du coup, on va laisser Clément conclure sur ce sujet. Alors, du coup, je vais le faire dans l'ordre inverse, si ça vous va. Alors, développer une commission, c'est, je pourrais pas faire ça parce que en fait, je suis de Lyon et que je rentre à Lyon, voilà. Mais voilà, donc on peut se trouver à Nuit Debout Lyon si vous voulez, mais je pourrais pas faire ça ici malheureusement. Donc voilà, ça c'est pour te répondre. Je connais pas du tout ton nom, mais je suis d'accord avec toi sur plein de choses. En fait, l'intervention que je fais là. Eduardo, je suis d'accord avec toi sur plein de choses. L'intervention que je fais là, je l'ai fait un peu en rechant parce que j'avais peu de temps, mais d'habitude j'essaye de vraiment dire d'où vient ce que je dis, puisque j'essaye de pas du tout dire mon avis à moi de personne pas concernée, mais de retranscrire des textes ou des travaux ou des documents ou des témoignages de personnes qui le sont beaucoup plus que moi. C'est un travail que j'ai fait avec des personnes qui se prostituent. Et qui aimeraient venir elles-mêmes ici pour dire ça, mais qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir sauter et pour pouvoir dire devant tout le monde voilà, je fais ça. Parce que tout le monde n'a pas forcément les ressources nécessaires pour faire ce que tu fais et le dire devant tout plein de gens qu'on ne connaît pas. Que ce soit en termes de situation personnelle ou en termes de gestion de sa personne ou de son image ou du regard des autres. Ou de capacité de prendre la parole en public. Donc je sais, mais ça c'est une des conséquences de la stigmatisation et de la domination, c'est que ça rend difficile aux personnes concernées de prendre la parole. C'est pour ça que je suis vraiment désolé par ce qui s'est passé aussi, parce que je comprends en fait que ça puisse être ressenti comme une violence, le fait que quelqu'un comme moi qui n'est pas concerné et qui du coup peut parler de ça avec un détachement qui peut être violent en fait, viennent parler de ça et je suis désolé. Je sais que c'est compliqué de faire autrement et c'est pas quelque chose qui me satisfait. L'idéal serait effectivement que quelqu'un qui soit plus concerné que moi et puisse tenir ça à ma place. Et il y a des gens qui voudraient le faire et qui peuvent pas. Mais je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il vaut mieux que ce soit les personnes concernées qui s'expriment. Et je suis désolé du coup pour la violence supplémentaire que c'est. De voir parler de sa situation ou de son vécu par quelqu'un qui ne le partage pas. Maintenant, c'est aussi quelque chose dont j'essaye de parler parce que c'est une question qui dépasse la question de la prostitution. Indépendamment des personnes qui se prostituent ou qui peuvent avoir recours à la prostitution, la question des échanges économico-sexuels et dans la manière dont la sexualité féminine est vue comme une prestation au service des hommes, c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche en fait toutes les personnes qui ont une sexualité hétérosexuelle. et aussi par ricochet les autres personnes également. Donc c'est quelque chose qui est pratique, que tout le monde peut relier à des choses qu'il a vécues et qui me semble aussi intéressant à parler et à provoquer le débat et à provoquer la réflexion sur ça, y compris sur des questions autres que, pour les questions plus vastes que la simple question de la prostitution. Voilà aussi pourquoi je parle de ça et pourquoi j'essaye d'avoir ce genre de lancer ce genre de conversation ou de réflexion. Voilà. Et puis du coup, pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi sur le fait que peu importe que ça s'inscrive dans le cadre institutionnel du mariage ou dans le cadre moins institutionnel d'une vie commune ou d'un projet à deux ou à plusieurs, la vie conjugale, c'est un investissement et c'est quelque chose comme je disais à toi, dont je ne connais pas le prénom non plus, c'est effectivement quelque chose qui est d'ordre de l'intime et de l'ordre des ressentis personnels. Maintenant, même les ressentis personnels sont façonnés par la société et la manière dont on vit certaines choses, dont on expérimente les choses, dont on peut interpréter nos ressentis ou la manière dont on vit les choses sont déterminées par la société, et c'est pas mal d'y réfléchir et d'essayer d'en prendre conscience. Je sais pas si je réponds à ce que tu dis, mais... Mais en fait, justement, c'est quand tu dis que ça, c'est par rapport... Nos ressentis sont façonnés par nos sentiments, notre façon de voir est façonnée par notre société. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement un problème dans notre société que c'est justement la réforme de la société qui est nécessaire, même dans ce débat-là, même dans ce débat de ce dont on parle. C'est-à-dire même par rapport à la prostitution ou par rapport au mariage ou aux échanges. On revient à une chose essentielle, c'est le bon sens. C'est-à-dire le bon sens et la liberté de chacun de devoir faire ce qui aussi de la liberté, il en a parlé. Et bon, la liberté c'est une chose, mais comment se comporter? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société qui souille un peu les principes un petit peu qu'on a aussi à la base, qu'on a naturellement, qu'on a à l'état naturel. Et je pense qu'on revient encore à la base du sens et du modèle de société qu'on veut pour pouvoir vivre ensemble. Sinon après, on est une société et on est une anarchie où on va vivre dans la jungle ou ailleurs, je sais pas. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi aussi, sauf sur un seul truc. Et du coup, je vais parler juste du truc sur lequel je suis pas d'accord, je suis désolé. Mais je suis pas d'accord sur un seul truc, c'est... tu parles du bon sens et des ressentis naturels, mais en général, souvent les discours dominants dans la société se cachent derrière cette prétention de bon sens, se cachent derrière cette prétention de nature, et c'est une des caractéristiques des idéologies que d'être perçu comme étant naturel et du bon sens. Et il y a énormément de choses qui sont fabriquées par la société et qu'on estime être naturelles et du bon sens. Alors évidemment, nous, si on est là ici, c'est qu'on a remis plein de trucs en question. Mais pour tout plein d'autres gens, la manière dont la société fonctionne, c'est naturel et c'est du bon sens. Et nous-mêmes, on a des choses qu'on considère être naturelles et du bon sens, mais qui sont des choses forgées. C'est juste que ce qu'on estime, enfin, c'est du moins mon point de vue, c'est que ce qu'on estime naturel, c'est ce dont on n'a pas encore compris les causes, ce dont on n'a pas encore compris comment ça a été forgé. Mais je pense pas qu'on ait naturellement avec une mentalité ou un bon sens. Après, du coup, c'est pas une question qui est très importante, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi, parce que l'appel au bon sens et l'appel au naturel parfois cachent des trucs qui sont tout sauf naturels. Voilà. Je suis pas sûr de répondre ça dans les deux minutes qui me restent. Je suis désolé.